De retour à Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au micro, et dans cette deuxième partie d'émission, on va s'intéresser aux oiseaux migrateurs. Le printemps semble se présenter, peut-être même en avance cette année, et on peut se demander si les oiseaux migrateurs vont revenir plus tôt, peut-être d'ailleurs qu'ils sont déjà en chemin, mais c'est pas facile de le savoir, à moins de poser un émetteur sur le dos des oiseaux et de les suivre par télédétection. Et c'est un objectif de Motus, et André Desrochers va nous expliquer de quoi il s'agit. André est ornithologue et professeur d'écologie et de conservation au département des sciences du bois et de la forêt à l'Université Laval. Bonjour André. Bonjour. Alors avant de parler de Motus, j'aimerais qu'on s'initie un petit peu à l'étude du déplacement des oiseaux migrateurs, parce que bon, quand on est ornithologue, on peut regarder les oiseaux qui sont chez nous, mais quand ils sont en déplacement, c'est peut-être pas si évident. Comment on fait en fait pour étudier le déplacement des oiseaux migrateurs? Ben, la beauté des oiseaux, évidemment, comme les autres animaux, c'est qu'ils se déplacent, hein, par définition. Puis c'est ce qui nous intrigue beaucoup, mais en même temps, c'est le problème qui se présente de les suivre, comme tu mentionnes. Il y a toutes sortes de façons de faire ça. La manière traditionnelle, c'est simplement de les observer dans différentes localités, puis on note les dates, puis on se rend bien compte que ces oiseaux-là se déplacent. Mm-hmm. Actuellement, on voit déjà rentrer des bernaches du Canada à Québec. Il y en a depuis un petit bout, j'imagine, dans le sud de la province, plus au sud. Mais les bernaches, bon, ont passé l'hiver pas loin de chez nous, aux États-Unis. Alors, on peut regarder des cartes puis se rendre compte des déplacements de cette manière-là. Mais ça nous informe d'une manière assez superficielle. Ça nous dit que l'espèce se rend à telle et telle région à telle date. Ça ne nous dit pas par où ils passent, leur chemin migratoire, ça ne nous dit pas les routes. Et puis, faut être là au bon moment. S'ils sont passés la semaine dernière et que moi, je suis là aujourd'hui, je les ai ratés. Voilà, donc la détection est un problème, ça c'est clair. Puis c'est un problème, la détection, dans à peu près tous les aspects de l'étude du comportement là, des animaux. Maintenant, on a des technologies qui nous permettent de voir de manière beaucoup plus détaillée, évidemment, là, les déplacements. Tu faisais allusion tout à l'heure à la télédétection, justement. Là. Donc ça, il y a des progrès énormes qui se réalisent depuis quelques années là-dessus. Donc comment on fait, en fait? On met une balise, un émetteur, finalement, sur le dos des oiseaux, et puis on a des récepteurs quelque part pour pouvoir les suivre leur déplacement? Exactement. Donc, c'est aussi simple que ça, là. Là, il y a toute une série de technologies disponibles pour les émetteurs, mais l'idée est toujours la même, c'est que on va poser un émetteur sur ou dans, littéralement dans l'oiseau. Des fois, on peut faire une intervention chirurgicale puis mettre dans la cavité abdominale. Donc, on le fait pour des plus gros oiseaux, évidemment, mais c'est plutôt rare. Là. Habituellement, on va attacher un émetteur sur le dos, un peu à la manière d'un sac à dos, d'un petit sac à dos qu'on prendrait pour la journée. Là. Donc, et puis l'antenne va généralement donc dépasser derrière là, la queue de l'oiseau. Alors, on parle d'une antenne, physiquement, ça a l'air souvent d'un petit fil électrique, là, minuscule, peut-être 10 cm de long, quelque chose comme ça. Là. Et ça ne les gêne pas pour voler? Ça fait pas un surpoids? Non. En fait, ça peut le faire, évidemment, pour les plus petits oiseaux. Premièrement, les antennes, c'est très varié. Je parlais d'un truc de 10 cm. Il y en a des beaucoup plus petites que ça, en réalité. La question du poids, effectivement, elle est importante. Elle est même cruciale pour les oiseaux qui, évidemment, quand ils volent... Ça nous perd d'énergie, sinon... Voilà, on souhaite pas leur donner un fardeau, littéralement. Là. Et il y a des règles, d'ailleurs. Tu peux imaginer qu'on a besoin de permis spéciaux pour non seulement capturer des oiseaux, mais par surquoi leur mettre des becs encore par-dessus le marché pour des émetteurs. Donc, c'est pas simple d'avoir la permission de faire ça. Et lorsqu'on a la permission de mettre des émetteurs sur des oiseaux, on doit respecter des règles par rapport à la masse ou au poids là, de l'émetteur, qui ne doit pas dépasser un faible pourcentage là, de la masse de l'oiseau. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et il y a des études, évidemment, qui ont évalué le taux de survie des oiseaux là, avec ou sans émetteurs, ce genre de choses-là. Alors, est-ce qu'on a fait ça pour pour beaucoup d'espèces d'oiseaux? Poser des émetteurs? Oui, mais est-ce qu'on a fait ça, je ne sais pas, sur les harfangs, sur les pigeons, sur les moineaux, sur les colibris, sur les mouettes? Oui, en fait, on a fait pas mal toute la gamme, même les colibris. C'est certains types de récepteurs qui sont particuliers dans le cas des colibris. Je sais qu'on a utilisé déjà ce qu'on appelle des transpondeurs. En fait, c'est des bidules qui n'émettent pas de manière active. C'est-à-dire, ils ne sont pas alimentés forcément par une batterie, mais ils amplifient et en fait, ils réfléchissent, ces transpondeurs, ils réfléchissent un signal qu'ils reçoivent et l'amplifient, mais de manière mécanique, sans batterie, si on veut. Puis on peut se servir de ça dans le cas des colibris, par exemple, en mettant un émetteur sur des mangeoires, sur des endroits précis où les colibris vont être appelés à visiter. Et ces bidules-là, dans le fond, émettent une onde. Et si le colibri a un transpondeur, il va réfléchir cette onde-là de manière amplifiée et avec une signature particulière qui va nous permettre d'identifier l'oiseau. D'accord. Donc, venons-en à Motus, en fait. C'est quoi Motus? Oui, bien, en fait, pour parler de Motus, il faut avoir un peu un background, je dirais, en télédétection des oiseaux, dans la technologie des émetteurs. Les émetteurs conventionnels, c'est des émetteurs qui émettent à une fréquence précise. Et traditionnellement, quand on étudie les oiseaux, on va utiliser une fréquence différente pour chacun des individus sur lesquels on va poser un émetteur. Donc, si j'ai 30 gélinotes, mettons, puis je mets des émetteurs là-dessus, je vais avoir 30 fréquences. Je vais devoir syntoniser sur mon capteur 30 canaux différents. Alors, ici, c'est le 89,1. Ben, chaque oiseau a sa fréquence. Bon, c'est pas tout à fait dans les mêmes bandes là, de fréquences, mais c'est le même principe. Puis, on a même besoin, dans plusieurs cas, d'un permis du CRTC, littéralement. Ah oui? Parce que là, c'est des émetteurs, donc on rentre dans les ondes radio et tout ça. Et puis, donc ça, c'est quelque chose qu'on a utilisé pendant des décennies, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau avec le programme qui s'appelle Motus, c'est que maintenant, tous les oiseaux dans le cadre de ce programme-là émettent exactement à la même longueur d'onde. Mm-hmm. Alors tu vas dire, ben là, on n'avance pas, on recule, parce que là, on confond tout le monde, parce qu'on capte... Mais ce qu'on utilise maintenant, c'est une modulation de l'émission. Autrefois, les émetteurs, ils faisaient bip, bip à toutes les secondes, par exemple, et voilà. Maintenant, ils font bip, bip, bip, bip, bip, bip, ou ils font des séquences de bip, dans le fond, à la même fréquence. Mais chaque séquence, on peut l'interpréter comme un code barre. OK, d'accord. Donc, chaque oiseau a son code barre de pulse. Donc, ils sont tous à la même fréquence. Alors ça réduit... ça élimine complètement le problème de syntoniser. Évidemment, on ne sait pas... Si Charlotte va passer demain, là, on peut pas syntoniser d'avance la fréquence de Charlotte ou de Charles. Puis maintenant, avec le système Motus, on n'a pas besoin de deviner qu'est-ce qui nous attend. On a juste à écouter toujours à la même fréquence. Et les processeurs, les ordinateurs sont capables d'associer le code barre, si on veut, de pulsation à chaque individu. À chaque individu et au lieu où il est alors. Voilà. Ouais. Donc, le code barre, nous, déjà, c'est une innovation technique. Il y a une autre innovation qui est plus reliée à Internet, c'est-à-dire que toutes les données sont captées, donc toutes les données du programme Motus sont captées par des antennes conventionnelles installées sur des tours ou sur des bâtiments. Puis, tous les utilisateurs du programme Motus, dont je suis, régulièrement vont téléverser leurs données dans un serveur, dans un ordinateur quelque part, qui va recevoir toutes les données de tout le monde. Et le code barre étant interprété, on sait, mettons, qu'il y a une Charlotte qui est passée ou un Charles de telle espèce. Et évidemment, dans la base de données, on sait que telle espèce, bien, elle est l'objet de recherche d'un tel ou d'une telle. Donc, les données peuvent être ensuite redistribuées aux chercheurs concernés. Alors, tous les chercheurs, autrement dit, j'espère que c'est clair mon affaire, là, tous les chercheurs ont accès aux captations, si on veut, de leurs oiseaux par toutes les tours du réseau, par toutes les antennes du réseau. Ouais. Donc, moi, par exemple, j'étudie, une espèce de grive. Je bénéficie du travail de tous les gens en Amérique du Nord qui ont des antennes à gauche et à droite. Là, on parle de centaines, voire de milliers d'antennes qui sont à l'écoute. Elles sont à l'écoute de tous les oiseaux. Toutes les antennes sont à l'écoute de tous les oiseaux du programme. Et du coup, moi, je peux retirer de la base de données centrale toutes les informations concernant mes oiseaux, qu'elles proviennent de mes propres antennes ou de l'antenne de quelqu'un en Alabama. Non, parce que sinon, c'est ça, il fallait avoir soi-même ses antennes pour détecter ces oiseaux, mais là, on peut donc bénéficier des antennes des autres. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est l'autre innovation. Il y avait les pulses dont je parlais tout à l'heure. Les antennes et les émetteurs, ça, c'est du conventionnel. Donc, l'autre innovation, c'est l'ajout d'Internet dans tout ça et de l'aspect science participative. C'est science ça, donc c'est finalement, c'est comme s'il y avait un réseau d'antennes un petit peu partout. Et donc, si les oiseaux passent à proximité, ils vont être détectés et on peut bénéficier de ce que vont capter toutes ces antennes. Voilà. Des Américains, vers les latitudes de la Pennsylvanie, donc pas très loin au sud du Canada, ont installé littéralement un mur, là, j'appelle ça un mur, en fait une ligne sur la carte d'est en ouest de capteurs, tous espacés de quelques dizaines de kilomètres au plus. Ouais. Du coup, on est presque capable d'intercepter à peu près tous les oiseaux. Là. Les oiseaux peuvent comme... Parce que les migrateurs vont tous au sud de cette ligne d'antenne. Voilà, donc, ben, ceux de l'Est, là, évidemment, ouais. là, qui sont dans la bonne zone ouais. géographique. Donc, on capte quand même une proportion assez importante donc, des oiseaux. C'est ça. Donc, on est quasiment sûr qu'ils vont traverser cette ligne à l'automne et la retraverser au printemps là, sur ouais. un certain transect de longitude. Là. Ouais. Voilà. Donc, pour mettre les gens qui nous écoutent un peu, pour donner une perspective, quand on met une bague sur un oiseau, hein, qui est une technique qui vieille d'au-delà d'une centaine d'années, une bague avec un numéro de série, les chances de retrouver cet oiseau-là avec sa bague sur la patte sont de l'ordre de 1 sur plusieurs dizaines de milliers. On en bague beaucoup, mais on n'en retrouve pas beaucoup. Voilà, les taux de recapture. Là, je parle des taux de recapture, mais à l'extérieur du site, parce que souvent, on les recapture au même endroit, le lendemain, le surlendemain, mais je parle de recapture, là, informative, si on veut, là, à des dizaines de kilomètres. C'est très, très, très rare. Et dans le cas de Motus, par contre, si on met un émetteur sur un oiseau, on est à peu près, si l'oiseau survit, que l'émetteur fonctionne et tout ça, on est à peu près certain d'avoir au moins quelques mentions de cet oiseau-là plus loin au sud, là, si on l'a bagué au nord durant l'été, par exemple. OK, d'accord. Donc là, ça veut dire qu'il y a plusieurs groupes de chercheurs en ornithologie à travers... C'est juste en Amérique du Nord, ça, ou c'est partout dans le monde? Bonne question. Ça a commencé en Amérique du Nord. En fait, les gens d'Oiseaux Canada, qui est une organisation sans but lucratif là, basée en Ontario, ont été les promoteurs de ce projet-là. Mm-hmm. Mais à ce projet se sont greffés plusieurs... donc, des intervenants, plusieurs sociétés, l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac, par exemple, dont je fais partie, on est très actifs dans le réseau. Mais il y a beaucoup d'autres observateurs ou institutions là, qui participent au projet là, en Amérique du Nord. Mais je crois qu'on a maintenant des partenaires en Europe aussi là, qui utilisent la même technologie puis le même principe. OK, donc ça veut dire s'il y a une grive, je ne sais pas, de Bicknell qui se retrouve en Europe, on va la détecter en Europe sur les antennes européennes? Oui, ça risque peu d'arriver, mais en principe, ça, effectivement, on pourrait capter... Bon, disons, pour un oiseau marin qui est peut-être plus susceptible de traverser l'océan, peut-être. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est intéressant que tu amènes le point des oiseaux marins, parce que ces oiseaux-là, en général, sont plus gros, hein, puis on utilise des technologies assez différentes là, pour étudier ces oiseaux-là que la technologie Motus, qui elle, en fait, est une réelle révolution pour les petits oiseaux, là, la grosseur, par exemple, des moineaux, des grives et tout ça. Parce que les émetteurs qu'on peut utiliser avec ces oiseaux-là peuvent être très petits. Là. Donc, il y a la possibilité d'étudier ces petits oiseaux-là. On connaît beaucoup mieux les grands oiseaux pour la simple raison qu'ils peuvent porter des engins plus lourds, genre qui peuvent émettre et être captés par un satellite, littéralement. Là. Ah ouais. Donc là, qui élabore ces projets? Est-ce que c'est des chercheurs dans les universités? Est-ce que c'est des clubs d'ornithologie? Qui élabore les projets qui se greffent comme ça à Motus, qui bénéficient de Motus? En fait, toute la communauté de chercheurs a accès au réseau Motus dans la mesure où quelqu'un peut acheter des émetteurs, hein, parce que ça coûte quand même autour de 100 à 200 $ pièce. Là. C'est quand même pas de données. Puis, on peut en acheter une série si on a une subvention. Et puis, après ça, se greffer au projet Motus. Les antennes, les coûts sont assez variables. On peut utiliser des tours là, littéralement en métal avec plusieurs antennes dessus. Nous, ça coûte dans les milliers de dollars, bien sûr. Mais, par exemple, chez moi, j'ai une antenne sur le toit de la maison qui est ce qu'on appelle un fouet, là, une antenne omnidirectionnelle. Là, ça ressemble un petit peu à un fouet, justement. Puis, elle fait à peu près 1 mètre de long. Elle est fixée après la corniche de la maison. Et il y a un câble ordinaire, un câble coaxial qui rentre dans la maison, qui est branché sur un petit processeur que Motus... fourni, ben en fait, on peut en acheter, là, coûte pas très cher, l'ordre de centaines de une centaine de dollars environ. Et on peut programmer donc ces capteurs-là pour en fait, on peut les brancher littéralement sur notre routeur Internet, puis il envoie les données à mesure qu'il en reçoit. Mais est-ce que sinon, c'est plutôt des projets de recherche universitaires qui utilisent ensuite la technologie pour étudier la migration des oiseaux, j'imagine? Oui, donc j'ai pas tout à fait répondu à ta question, je m'en rends compte, là, mais je suis parti dans une... En fait, la dérive dans laquelle je suis parti, c'est que pour indiquer que les individus, comme des citoyens ordinaires intéressés, peuvent en fait apporter des données, même s'ils n'ont pas un projet en tant que tel. Mais le cœur, par exemple, des utilisateurs, effectivement, c'est des groupes universitaires ou des OBNL ou des observatoires d'oiseaux, comme je mentionnais, qui vont aller chercher des fonds pour acheter des récepteurs ou des émetteurs plutôt, ou les deux, et qui vont donc les déployer là, sur des oiseaux. Donc, est-ce qu'on voit, qu'est-ce que ça nous apprend sur les migrations qu'on n'avait pas appris auparavant avec les émetteurs habituels, ordinaires? Est-ce que ça permet de suivre en temps réel des milliers d'oiseaux, je ne sais pas, d'avoir une idée plus précise de la trajectoire des oiseaux? Ben, le mot-clé, c'est l'individu. C'est qu'avec ces données-là, on ramène le comportement migratoire à l'individu. On peut étudier donc des dizaines, voire des centaines d'individus selon nos budgets. Et puis, on peut savoir donc si un oiseau précis, combien de kilomètres il va parcourir en une seule nuit et de quelle manière c'est relié aux conditions météo, à la topographie, à ce genre de choses-là. Puis, est-ce qu'ils accélèrent leur rythme de migration à certaines latitudes, par exemple? Ce genre de choses-là qu'on ne peut pas déceler même avec une armée d'observateurs là, qui font de l'ornithologie pour le plaisir. Là. Donc, l'aspect individuel est la clé là, ici. Puis, évidemment, de connaître l'aspect individuel nous permet de voir quelle sorte d'hétérogénéité, quelle sorte de variabilité il y a à l'intérieur d'une espèce. Parce qu'on se rend compte que, par exemple, la grive à dos olive qu'on a étudiée, dans le cadre du projet Motus, la grive à dos olive, donc un oiseau qui niche dans les sapinières du Québec, notamment, et qui passe l'hiver en Amérique centrale, eh bien, les grives à dos olive, par exemple, plus à l'est, au Québec, ne vont pas migrer exactement par le même chemin que celles qui sont plus à l'ouest. Ils ont des corridors, si on veut, migratoires. Et puis, ils n'ont pas aussi, donc, le même rythme de migration selon, par exemple, que ce sont des jeunes ou des plus vieux ou des genres d'autres choses comme ça. Ah oui, c'est ça. Parce que là, quand on équipe l'oiseau, on note les caractéristiques, si c'est un mâle, si c'est une femelle, si c'est un jeune de l'année Exactement. Ou un aîné. Oui. Alors ça nous permet d'aller beaucoup plus loin que encore une fois, les observations traditionnelles aux jumelles ou au télescope. Donc vous avez étudié particulièrement la grive à dos olive. Oui. Donc elle fait quoi, cette grive? Elle fait beaucoup de choses. Mais en fait, ce qu'on réalise, c'est que ces oiseaux-là vont largement vers le sud-ouest au début de leur migration au Québec. En fait, elles vont pas se pointer directement vers le sud. Elles vont plus vers l'ouest, vers Montréal, par exemple, ou Kingston, et ainsi de suite. Puis après, elles vont bifurquer, tournent vers le sud. Il y a comme une espèce d'angle dans leur déplacement. Et puis, il y a une forme de ralentissement qui se produit plus au sud avant de quitter les États-Unis pour aller vers le Mexique. Donc, ce genre de choses-là là, qu'on peut mesurer. Non, on est capable, avec Motus, de voir les déplacements en temps réel, c'est ça? Oui, on peut le faire, effectivement. Alors, je reviens à mon cas personnel. J'ai un capteur chez moi et ça m'arrive, durant les périodes de migration, de travailler sur mon ordinateur. Et ce que je fais, c'est que j'ouvre un écran, une fenêtre, en fait, sur ma session. Qui est branché sur mon capteur. Et quand il passe un oiseau dans le rayon, et puis, je peux en fait tout de suite voir c'est qui. Si j'ai les bonnes bases de données, là, si mon truc est bien configuré, je peux voir en temps réel c'est qui. Habituellement, c'est amusant de le faire comme ça, mais c'est pas la manière dont on utilise les données. La manière dont on utilise les données, habituellement, c'est qu'on attend la fin de la saison, et là, on va télécharger les données carrément. OK, d'accord. Donc, ça veut dire qu'on peut les voir, oui, en temps réel, mais on peut reconstituer l'historique du déplacement. Donc, c'est ça. Voilà. Reconstituer l'historique de la saison et comparer aussi avec les années précédentes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire aussi? Oui, évidemment. Le projet est quand même... ça fait une bonne dizaine d'années que le projet existe, et c'est toujours en croissance. Alors, on commence à avoir une perspective plus à long terme, mais en me disant, c'est bien court, on comprend. Mais n'empêche je connais pas d'études qui ont évalué des variations interannuelles. Là. Je présume qu'il doit y en avoir, mais j'en connais pas personnellement. Mais c'est une des choses, évidemment, qui est très possible et facile d'analyser. On pourrait donc mettre en relation les conditions, les systèmes météorologiques, des tendances à plus long terme, etc., des tendances climatiques ou quoi que ce soit, avec le comportement des individus. Là, est-ce que ces données sur Motus, est-ce qu'elles sont accessibles à tout le monde? Si, des auditeurs, des auditrices sont curieux de voir ces déplacements migratoires, est-ce qu'on peut accéder au site et visualiser les déplacements? Oui, il existe un site web de Motus où on peut interroger la base de données. On peut voir des cartes avec des points là, qui indiquent où ont été vus les oiseaux de telle ou telle espèce. Mais les données brutes détaillées, je ne crois pas qu'on puisse y accéder à moins d'avoir un identifiant pour aller dans le système, là. Un peu comme ben des choses sur Internet. Et pour avoir l'identifiant en question, bien sûr, ben il faut communiquer avec les responsables du projet pour avoir ça. Et si les gens ont l'intention de faire un projet scientifique, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, vraiment. On n'est pas obligé de, comment dire, de mettre des émetteurs sur des oiseaux pour avoir accès aux données puis les analyser, etc. Ah oui, ouais, c'est ça. C'est pas requis, comme c'est pas requis non plus d'installer des antennes. Mais est-ce que ça peut permettre, par exemple, de suivre, de savoir où sont les migrateurs en ce moment, une espèce particulière? Est-ce qu'elle a commencé son périple? Où est-ce qu'elle est? Et où est-ce que je peux aller si je veux les voir? Donc, est-ce que ça permet de voir comme ça sur une carte où sont rendus, par exemple, les oies des neiges? Est-ce qu'elles sont rendues, je sais pas, dans l'État de New York? Ou est-ce qu'elles arrivent après-demain et où je peux aller pour les voir? Est-ce que c'est le genre d'informations qu'on peut avoir sur Motus? Oui, mais évidemment, dans le cas des oies des neiges, par exemple, c'est plus simple de tout simplement aller sur eBird puis de voir où c'est que les observateurs les voient depuis quelques jours. Alors ça, c'est la façon la plus simple. Si on s'intéresse à un oiseau précis, à un individu, ce qui arrive assez rarement, mais si, en principe, là, on pourrait effectivement interroger les données pour savoir où est-ce que Charlotte, pour reprendre ce même nom-là, se trouve aujourd'hui. Par contre, évidemment, les émetteurs qu'on met, il y a deux, trois considérations quand même assez importantes, là. Premièrement, les émetteurs ont une durée de vie limitée, bien sûr, parce qu'ils sont animés par une petite pile, puis un émetteur peut être en vie pendant quelques semaines ou quelques mois, mais c'est l'ordre de grandeur là, dont on parle, là. Six mois, grand maximum, à peu près, là. Je pense qu'il y a des technologies actuellement pour aller un petit peu plus loin, pour qu'on puisse, par exemple, avoir des données sur l'échelle d'un an. Ça, c'est le rêve, parce que, mettons, prenons une grive qu'on capture à Tadoussac, on lui met un émetteur au mois de septembre, on aimerait bien avoir l'historique de cet oiseau-là jusqu'à son retour au Québec l'année prochaine, en supposant qu'elle va survivre et tout ça, là. Parce qu'il faut réaliser que les taux de survie sont quand même pas si élevés que ça non plus, là. Une grive a peut-être une chance sur deux chances sur trois de revenir, hein, mais pas bien plus que ça. C'est ça, pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ouais. Ils ont une espérance de vie très courte, là. Alors, on en perd, là. Voilà. Donc ça, il y a cette considération-là, la durée de vie limitée de l'émetteur, puis aussi la captation là, de la tour là, avec l'antenne, là. Comme les antennes que j'appelle les fouets, là, qui sont très peu dispendieuses. Ils ont quand même une portée assez limitée, là, 1 ou 2 kilomètres, quelque chose comme ça. C'est pas très loin. Donc, si l'oiseau passe au-delà, on passe sous le radar, littéralement. Ah, oui. Les antennes plus développées, elles ont un rayon de 10 à 15 kilomètres environ. Donc, ça, c'est déjà pas mal mieux. Mais tu peux imaginer la quantité d'antennes que ça prendrait pour avoir un suivi complet de tout le monde. Et sinon, donc, les chercheurs qui élaborent des projets de recherche en utilisant Motus, ils recherchent quoi? En fait, c'est des projets qui... Parce que finalement, les routes migratoires, on doit quand même commencer par les connaître. Donc, c'est quoi l'essence, l'objectif des projets de recherche? Encore une fois, c'est la question de l'individu. C'est qu'on veut voir s'il y a des stratégies individuelles variables. Parce que c'est bien beau de dire, ben, telle espèce fréquente tel endroit. Mais est-ce que c'est plutôt les mâles, les femelles, les jeunes, etc. Bon, d'une part. Puis est-ce qu'il y a une hétérogénéité régionale, par exemple? Parce que quand on peut s'installer et voir passer des oiseaux migrateurs en automne ou au printemps, mais on ne sait pas, on peut identifier l'espèce, pas de problème, mais on ne sait pas forcément d'où les individus viennent, de quelle région précisément. Donc, il y a un terme technique qui s'appelle la connectivité, qui est un phénomène qu'on a découvert depuis une vingtaine d'années, puis on réalise qu'il y a beaucoup de connectivité, c'est-à-dire... Il y a beaucoup de liens entre là d'où viennent les oiseaux l'été et là où ils vont précisément passer l'hiver. Par exemple, la paruline bleue, qui niche dans les régions plus à l'est, est peut-être plus susceptible d'être retrouvée sur certaines îles des Antilles que les parulines bleues de la même espèce qui sont plus à l'ouest dans leurs aires de nidification. Et ça, évidemment, ça a des répercussions sur la conservation notamment. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a des problèmes de perte d'habitat sur telle ou telle île, on peut s'imaginer que ça va affecter davantage telle ou telle population en zone de nidification. Ce qu'on n'aurait jamais pu déterminer autrement. Donc voilà, donc finalement, ça livre des milliers de données à analyser pour mieux comprendre, préciser les routes migratoires et mieux localiser les endroits qui nécessitent de la conservation. Oui, exactement, qui nécessite de la migration possiblement aussi. Merci de la conservation. Bon, ben, merci beaucoup, André, de nous avoir ouvert les yeux sur ce site Motus et peut-être un peu de curiosité pour aller voir ce qui se passe sur ce site. J'ai tenté de voir les routes migratoires, donc j'ai vu une carte avec plein de traits de diverses couleurs, mais c'était long à télécharger, mais j'imagine que c'était donc toutes ces routes migratoires des oiseaux en ce moment qui se promènent. Oui, donc motus.org, hein, ouais. ORG, là, pour, ouais. Relativement facile à trouver. Très bien. Alors, merci beaucoup, André, de nous avoir initié à ce site, fait découvrir ce site Motus. Je rappelle que vous êtes professeur en écologie et en conservation au département de sciences forestières de l'Université Laval. Merci, au plaisir.